C'était un vieux crouton, un vieux flic tout en gris, avec une tête longue qu'on dirait une descente de lit. Il a les bouches tout noires et un drôle de chapeau, des gants bizarres tout jaunes et un imper qui tient chaud. Il planque des tas de trucs sous sa drôle de cuirasse. Attendez un peu, vous allez voir ce qui se passe. Go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto. Inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget. Et oui, ce bonhomme-là, il cache des tas de bidules, il a un hélico, une brosse à dents et un cigare qui fume. Accompagné de son chien jaune, non c'est pas un lion, c'est un toutou nommé Machin et qui a des oreilles rondes. Ils doivent tous ensemble affronter Dr. Mad, un vieux méchant mystique avec une main en métal. Go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go gadgetto, go gadgetto, go gadgetto. Inspecteur gadget, l'inspecteur gadget, l'inspecteur gadget, l'inspecteur gadget. Inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur gadget, inspecteur Il y a aussi sa nièce avec son pauvre ordi qui doit aider son oncle qui est souvent en péril. Car il faut bien l'avouer, s'il est bourré de trucs, le pauvre inspecteur est aussi idiot qu'un tuc. Quand le commissaire l'appelle, c'est toujours à cause du doc. Pas de Willy bien sûr, mais du docteur Mad. Et quand Gadget repart pour une nouvelle mission, le téléphone explose pour le commissaire, ce con. Voilà, c'était l'histoire de l'inspecteur Gadget. Maintenant le refrain parce que j'aime bien le refaire. Go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go gadgetto, go go